C'est l'histoire d'un type qui vivait comme un zoulou. Place Belfort, à deux pas du centre de Toulouse. Les 400 coups, il a fait des trucs de fou dans son cou. Jusqu'au jour où sa vision est devenue trouble. La drogue, du riz pour quelque chose. Les discours de sourds ont commencé. Chaque jour, il se sentait seul, tout un gros mal-être grandissait. Il devenait parano, même ses potes ne le suivaient plus. Dans ses discussions, les fréquentations changèrent sans cesse. Il prend de la cesse, en caisse, en presse. Son cerveau prend cher, en scred, il tombe dans l'héroïne rap là. Pour ceux qui connaissent, ensuite il carotte tous ses vendeurs qui traînent wanted. Il devient barge, livré à lui-même, 4 mètres carrés dans la crasse. Pire qu'en HLM sans deck. Il est parti sans donner de nouvelles, en vrai. J'espère qu'il est sorti de ce long tunnel. C'est l'histoire d'un jeune banlieusard. Dans le TER, il noircit des pages. Il rêve du rap pour s'évader, pour prendre le large. À l'école, les profs sapent son moral. Raconte à sa mère qu'un CAP façonnage serait plus favorable. Du coup, il se barre, glisse son arme dans son anorak. En sortant de chez lui, comme il est noir, souvent les flics le narguent. Il regarde les vitrines dans ses poches, à jamais assez de maille. Ce jeune homme rêve juste une paire de baskets Nike. Les années passent et lui devient de plus en plus dingue. Avec trois potes, il décide de braquer la station du coin. Malheureusement, le gérant est un ancien flic raciste. La fusillade éclate de sur trois, arrive à esquive. Hey. Une vie s'arrête ici, il est touché en pleine cage thoracique. Quelle sale histoire. C'est l'histoire d'un type fou furieux, amoureux du volant, qui se croit dans Fast and Furious, veut faire tomber les collants. Il a pour habitude de faire des pointes à 200 à l'heure, faire crier ses pneus devant les gens pour faire le crâneur. Un beau jour, il part à son rendez-vous tuning, accompagné d'une bouteille de gin, juste pour le feeling sur le parking. On se chauffe bien avant la boîte, les mecs disent: ça parle de quoi, des meufs à poil? Arrivé dans la soirée, les mecs sont tous bourrés. 6h du mat, la fille dit: bon, je veux rentrer. Ok, le mec dit: vas-y, je peux conduire. Il fait jour, bébé, y'a aucun risque. La fille s'endort, livre la partie pour en aller sans retour. Accident se produit, il renverse le petit qui allait en cours. Il restait plus que ses yeux pour pleurer. À l'arrivée des secours, commence une nouvelle vie demeurée. Quelle sale histoire, Nesto.